Voici l'humeur de Guillermo Guy. Ça va, les amigos? Si, Ernesto Bello. Vous savez qu'en Belgique, on n'a pas beaucoup de points communs avec les Français, Dieu merci. Mais, oui, merci, oui, nous aussi, on a de la chance. Mais lundi matin, on a rouvert en même temps que vous les commerces non essentiels. Direct, j'ai été m'acheter un arc à flèches. Direct. au cas où je reviens bosser en studio et que Nagui m'oblige à le serrer dans mes bras. Mais ça me manquait trop pouvoir chiller chez un armurier. On n'était pas beaucoup en plus. Il y avait juste moi et Xavier Dupont de Ligonnès. Parce qu'il a fondé une nouvelle famille à Bruxelles. Mais avec le confinement, la promiscuité, ils s'entendent moins bien. Là, il était venu acheter de la chaux. En partant, il me fait Ernesto, fils du granola. Je fais Xavier, je te serre pas la main. Il me fait oui, je sais, distance. Hein, comme quoi, on peut être soupe au lait et faire son petit possible pour une sortie de crise. Heureusement d'ailleurs que les gens sont disciplinés dans les commerces. Vous savez que chez IKEA à Bruxelles, à 7h30 du matin, il y avait déjà une queue genre vraiment impressionnante. Titre ! Oui, mais dire titre, quand c'est toi qui as écrit le titre, c'est pas vraiment titre. Absolument, non, tricherie. Tricherie, greffier, enlever ses rires du procès verbal. Et je propose qu'on avance dans cette chronique. Ok, bien entendu. Alors, à propos de consumérisme, je vais vous raconter un truc et vous devez me croire, d'accord? Ok. Bon, samedi, j'ai passé une partie de la journée avec un mouton. Okay. Non, mais c'est vrai. J'allais visiter ma grande sœur et ma grande sœur, elle a un mouton parce que je vois Daniel qui s'agite en mode moi aussi je t'ai confiné avec un mouton. Non, ma grande sœur c'est dans son jardin, hein, c'est pas dans sa chambre d'amis. Pas de jugement de valeur, hein, Daniel, que celui qui n'a jamais eu de problème avec la SPA vous jette la première pierre. Non, c'est pas ça. Mais j'étais dans le jardin de ma sœur et j'observais ce mouton qui mangeait de l'herbe, peut-être baissé non-stop pendant des heures frénétiquement comme ça, comme si la pelouse elle allait disparaître le lendemain. Et je trouve ça fou, quoi. Et là vous vous dites putain. Ça va être une métaphore. Oh le con. Ça c'est une métaphore. C'est sûr, je reconnais. Hein. Tu vas voir le mouton, c'est le consommateur. Tu vas voir, c'est sûr, c'est une métaphore. Je suis trop fier d'être dans une émission où les gens ils font des métaphores. En fait non, c'est pas une métaphore. C'est pas une métaphore. Là il y a Nagui qui se fait. Bon du coup si c'est pas une métaphore, t'es pas en train de renier sur mon interview de Cédric Lapiche juste pour parler du mouton de ta sœur, j'espère. Non. En effet Nagui, il y a un sens. Bien que je pourrais vous en raconter sur ce mouton. Vous savez qu'il s'appelle Richard en hommage à Richard Cocciante. Ma sœur et l'Italie, c'est toute une histoire. Non, le sens, c'est que j'ai lu des tonnes d'indignation et de moqueries sur les gens qui ont fait la queue au magasin lundi. Même moi au début j'étais là, ouais, bravo la conscience, bravo le consumérisme, une titi. Parce que je mélange tout quand je suis énervé. Puis je me suis rappelé comment moi je me comportais moi dans le commerce avant le confinement. Genre, oh, il est pas mal ce petit pull en cachemire, je vais le laver à 60 degrés. Oh, il me reste un bavoir en cachemire. Pas grave, je vais le donner à mon Jack Russell et je vais m'acheter un autre pull inutile parce que je me sens vide. Du coup, je repensais aux gens lundi matin chez IKEA et à ce mouton et je me disais que j'avais beau l'observer pendant des heures, j'ai pas réussi à comprendre sa vie, quoi. Je veux dire, manger de l'herbe pendant 17 heures, c'est pas un truc que moi je ferais. Genre, mais en même temps, voilà, non, moi j'ai accès à deux marques différentes de burrata. Chacun a sa vie, quoi. Elle est laborieuse, cette chronique. J'en peux plus. Ouais, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt la chute. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit tout par son propre prisme, mais c'est compliqué de se mettre dans la tête des autres. Surtout si les autres, c'est un mouton. Voilà, là c'est clair. Mais dans 400 ans. C'est pas clair, mais dans 400 ans, quand les enfants ils étudieront la célèbre fable Ernesto et le mouton, vous ferez moins les malins. Allez, hop, maintenant on chute. Et bonne émission. Merci, Guillermo.